minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez le comment maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est Pierre, comme chaque premier samedi du mois avec vous, pour vous présenter cette émission Planète Indie. On en est au numéro 443, si je ne m'abuse. Ça fait déjà un bout de temps qu'on est là, hein. Donc c'est que vous appréciez quelque peu le programme qu'on va vous servir. Alors au menu de cette émission du mois de juin, puisque nous sommes le 4 juin 2022, au menu donc, je disais, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. On ira faire un tour chez nos partenaires pour voir ce qu'ils proposent au niveau des manifestations culturelles. Et il y aura des choses à dire puisque l'été arrive et les programmations d'été sont mises à jour, notamment au niveau de la Rocale et dans le cadre aussi de Esch 2022. Ils organisent pas mal de choses, notamment des concerts en plein air, en espérant que la météo sera de la partie. Bon, jusqu'à présent, on n'avait pas eu trop à se plaindre. On va voir, on a eu un peu d'eau cette semaine. Les jardins sont contents. Et puis les allergiques au rhume des foins, hein, comme moi d'ailleurs, on commence à souffrir. C'est vrai que moi, ces jours-ci, c'est pas terrible. Donc, et puis on ira aussi visiter, où je vous présenterai une nouvelle sortie dans le monde de la BD, une BD que j'ai appréciée. Donc voilà, ça c'est un peu le programme du jour. On aura aussi notre powerplay. Ça c'est pendant quelques minutes. Donc je vous propose de commencer tout de suite en musique avec un nouvel extrait de l'album de Brock Davies. Je vous en ai déjà parlé, c'est un candidat powerplay, donc il va probablement être présenté comme tel au cours d'une prochaine émission. Son album s'intitule A Song Waiting to Be Sung et le morceau qu'on va écouter s'intitule quant à lui Bullets and Blood. Je vous avoue que j'avais préparé cette émission il y a un certain temps déjà, avant ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis. On dédie ce morceau à tous ces malheureux. C'est vrai que c'était imprévu, mais comme quoi la réalité dépasse parfois la fiction. Bullets and Blood de Brock Davies, et puis après nous écouterons Sister Speak. On les connaît puisqu'on les a déjà présentés comme Powerplay aussi d'ailleurs, on les écoutait souvent avec un de leurs précédents albums. Là c'est leur tout nouvel album qui sort, il s'intitule Love for All et on écoutera le morceau Runaway. Allez, tout de suite, Brock Davies. I met my love at college in my junior year. But when I brought him home, it was worse than I feared. You ain't no son of mine, my daddy made it clear. And that was that, never going back. Caught in a parking lot late one August night. Four good old boys with baseball bats didn't think our love was right. If it wasn't for the cop car cruising by, we'd have been alone. More than broken bones. Bullets and blood can't stop this love. Bullets and blood are not enough to stop this love. The did their best to run us out of town. Gave us a welcome that was worthy of the South. Three bullet holes through the kitchen door remind me how we have to hide. We'll pay the price. Bullets and blood can't stop this love. He woke up and couldn't breathe. Raced him to emergency for some surgery. Wouldn't let me visit him in his time of need. They told me, you're not family. We got married when the laws began to change. Couldn't do it here, had to travel out of state. After 20 years, could finally take his hand and say, please be mine for all time. Bullets and blood can't stop this love. Bullets and blood are not enough to stop this love. From Sister Speak, and you're listening to Planet Indie. Trees sway back and forth in California. Voilà, à l'instant dans nos oreilles, c'est une nouveauté. Je pense qu'on ne les a encore jamais entendues dans cette émission, en tout cas. Il s'appelle And the Broken. Il nous interprétait le morceau Someday. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Je ne vais pas vous en parler très très longtemps maintenant. Il sera temps dans quelques minutes. Donc, simplement vous dire que je vous en avais parlé déjà le mois dernier. Donc, si vous nous étiez fidèles à ce moment-là, ça ne devrait pas être trop inconnu pour vous. Je vous signale aussi que, grande nouveauté, nous avons lancé notre compte Twitter Planet Indie. Donc, vous pouvez aussi nous suivre via ce canal. Bon, c'est un peu plus spécialisé, mais pourquoi pas, ça démarre assez lentement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on a toujours notre groupe Facebook, notre page Facebook. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous nous retrouverez sans problème. On a pas mal d'artistes que vous entendez dans ces émissions. Bah, notamment, il y a Sherry-Anne, la chanteuse du groupe Sister Speak qu'on a écouté il y a quelques minutes. Eh bien, elle fait partie de notre petite communauté. Donc, si vous voulez directement entrer en contact avec elle, c'est peut-être encore le plus facile. Et puis, il y en a bien d'autres. Hein. Je ne vais pas vous les citer comme ça, mais on a à peu près 200, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis, notre site internet, c'est www.ilovemusic.gq. www.ilovemusic.gq. Et puis, n'oubliez pas aussi le site internet de RGL, www.rgl.lu. Voilà, j'espère que vous avez été, que j'ai été complet. Bah, je vous signale aussi notre numéro de téléphone, hein, tant qu'on y est. Si vous voulez nous joindre, c'est le 2654-0044, 2654-0044. Voilà. Donc, dans quelques minutes, nous partons à la découverte de notre album Powerplay. Avant cela, oui, je vous parlais du rhume des foins. Vous entendez peut-être que ma voix est un peu nasillarde. Bah oui, ça commence à se faire sentir. Là, cette année-ci, ça commence un peu plus tard que d'habitude, mais... Pour l'instant, je déguste. Donc, avant cela, on va écouter Luke Stargazer avec un morceau qui colle bien à la réalité puisque personne ne l'est parfait, qui s'intitule Unperfect. Allez, c'est parti pour Luke Stargazer. Captures our common past. It's like the story that no man's had, but nobody cares about his cause. The sun's perfect. The sun's perfect. Luc Stargazer, donc je suis pas sûr qu'on l'a déjà écouté, mais bon, c'était un style un peu différent de ce qu'on a entendu en début d'émission. Vous le savez, hein, dans Planète Indie, on n'hésite pas à chevaucher les genres, les styles musicaux, les pays aussi, on va d'un pays à l'autre, et donc on ne se limite à rien du tout, on est assez libre. En tout cas, à ce niveau-là. Allez, je vous propose donc à 17h20 très précisément de partir à la découverte de notre powerplay. Alors, le groupe qui est mis à l'honneur ce mois-ci s'appelle Surrender Hill. Il tire son nom d'une colline en Afrique du Sud qui fut le théâtre d'un épisode de la guerre des Boers. Au cours de cette bataille, les Anglais ont fait prisonnier plus de 3000 combattants Boers. On verra un peu plus loin le lien qui existe donc entre cette colline et avec le groupe qui nous intéresse aujourd'hui, vu que ce groupe est basé assez loin de là. Il est basé plus précisément en Arizona. Surrender Hill est un groupe de tournée. En moyenne, il joue plus ou moins 200 concerts par an, aussi bien aux USA qu'internationalement. Alors, quand la pandémie a frappé en 2020 et a mis un frein à leur calendrier, ils se sont quelque peu posés et ont commencé à écrire de nouvelles chansons qui, cette fois, reflétaient l'atmosphère du moment. C'est un peu différent ce qu'ils ont composé cette fois-ci de leurs albums précédents. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Il s'agit de textes donc qui parlent de division, de lutte, de survivance, de pardon, etc. etc. Une partie de ces nouveaux titres était assez... Une partie de ces nouveaux titres est assez mélancolique, douce et détendue, oscillant entre le style américain, vers le style américain, pardon, tandis que l'autre moitié s'apparente plus au style honky tonk. Il en résulte donc non pas un album, powerplay, un double album. Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town, dont le titre décrit parfaitement cette dualité. Double album, donc deux disques. Le premier disque, Just Another Honky Tonk, ça pourrait être considéré comme un jukebox. Il reprend des chansons qui pourraient appartenir au jukebox d'un bar typique de cowboys, comme on les imagine, éclairés de néon avec tout le tout-team, les cowboys avec leurs bottes et pratiquement leurs lasso et leurs revolvers. Et des chansons tirées des histoires qu'il se raconte autour du feu de camp. Tandis que le deuxième CD, le deuxième disque, In a Quiet Western Town, est empreint de la mélancolie americana et traite de la solitude dans le monde actuel. Les deux font la paire, donc, pourrait-on dire, et illustrent parfaitement la diversité des expériences vécues par les membres du groupe. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau dont on parlera tout à l'heure. C'est un petit teasing, hein. On en parlera donc plus longuement dans les chapitres suivants, mais autant les présenter tout de suite. On a un duo, à sa droite Robin Dean Salmon et à gauche celle qui est devenue par la suite son épouse Aftan Seeking Salmon. Place au premier extrait, tiré donc du premier album. Imaginez-vous quelque part dans le désert américain ou autre. Vous sortez d'un ranch avec toutes ces bêtes. Vous allez boire un verre dans un cow-boy avec la pub pour les bières, les néons, le jeu de billard. Eh bien, c'est un peu cette atmosphère-là qu'on va retrouver dans ce morceau. Le morceau s'intitule Long Rider. C'est extrait du CD numéro 1. Et l'album, le double album de Powerplay, c'est Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town. Voilà. Powerplay aujourd'hui, donc dans cet épisode numéro 443 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. It was rage on the river. I rode it all to hell. Colorado beautiful, the devil alive and well. Rushing through the canyon, the walls were closing in. Like an outlaw on the trail, like Cassidy and the Kid. Life before banging on the grave. A beast game, searching for religion in the eyes of a barmaid, beating down this life before banging on the grave. Yep. Saddled up my horse, gazed into the stars, set a southern course. Far away in Mexico's where I'll make my stand, load up my two rifles, play my final hand. I'm a long rider, one more before I go, ride out like a restless heart in a one-horse rodeo. Searching for religion in the eyes of a barmaid. I'm a long rider, one more before I go. Ride out like a restless heart in a one-horse rodeo. I'm a long rider, beside Frank and Jesse James. Searching for religion in the eyes of a barmaid, beating down this life. Vous voyez que je vous avais pas menti hein, quand je vous parlais d'ambiance cow-boy, en tout cas sur ce premier CD. C'était donc le morceau Long Rider, extrait de l'album, du double album Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town par Surrender Hill. C'est notre power play aujourd'hui dans cette émission. Et puis je vous annonce déjà que les deux prochains extraits, puisqu'on écoute chaque fois trois extraits de notre album power play, les deux prochains donc seront tirés du second album, ambiance un peu différente. Vous verrez cela un peu plus loin dans l'émission. Allez, on poursuit avec Corona Crona, Never Said, et puis après nous irons faire un petit tour sur l'agenda de notre partenaire de la Rocale. Between the need for freedom and the truth as it escapes, I'm bound unto decisions, but I find it hard, so hard to wait. If I am not a wanted one, there's nothing I can say. We never said, never said. Like it's Hollywood, but it won't explain how many moods I'm in. I'm tired of your excuses as I drift into some new place. Tell me all about Hollywood and how nobody knows my name. We never say, never say. Stressed, make it right, can make it feel so wrong sometimes. But I believe in reason, not in rigid rules and all these solid laws. We never said, never said it would go easy. We never said we'd hold on to any cause. Il est sympa ce nouveau morceau de Cornac Ronin, Never Said. Sympa aussi d'ailleurs le programme que vous a concocté la Rocale pour ce mois de juin. Ça commence déjà demain avec de le rock, le groupe rock Neil Morse Band. Mercredi, ça monte encore dans les accords. Ce sera du hard rock avec Tremonti. Ensuite, eh bien, le programme été commence hein, avec les fameux concerts en plein air dans le cadre du Esch 2022. Mercredi 15 juin, ce sera les Black Eyed Peas qui viendront se produire. Et le lendemain, on remet ça avec le groupe Imagine Dragons. Il y a aussi un spectacle, un concert. Open Air Belval meets OPL, l'orchestre philharmonique du Luxembourg, avec en invité Gast Waltzing. C'est une association entre la Rocale et Post Luxembourg qui s'associe donc avec Esch 2022 pour présenter cet événement 100% made in Luxembourg. Donc, ce sera. Vous verrez sur scène des artistes locaux qui se produiront accompagnés sur scène donc, par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Ça se passe, donc, comme je viens de vous le dire, le dimanche 19 juin à partir de 17h. Parmi eh bien, les artistes que vous pourrez voir, il y a Child, Culture the Kid, Dreamcatcher. Francis of Delirium, Fred Barreto, Parc Café, Serge Tonnard et bien d'autres. C'est un programme éclectique qui mêle la musique pop, rock, blues, hip-hop, électro et bien d'autres. Et puis donc je vous rappelle que l'Orchestre Philharmonique sera conduit par le chef d'exception Gast Waltzing qui a été lauréat du Grammy Award dans la catégorie Best World Music Album en 2016. Donc à ne pas manquer le dimanche, pardon, 19 juin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le hip-hop marathon le 22 juin. Judas Priest du métal le 22 aussi. Ce sera dans la salle principale, tandis que le marathon hip-hop, ce sera au club. Kid Laroi le 23. Il y a des ateliers aussi, mais ça, pour ça, il faudra aller voir parce qu'il y en a quelques-uns, donc... on ne va pas détailler tout ça ici. Le 27 juin, Simple Minds, rien de moins. Il y a aussi toujours l'atelier mensuel des membres Rock Lab. Cette fois-ci, ça parlera des métiers dans l'industrie de la musique. Et puis, on arrive tout doucement au mois de juillet, vendredi 1er juillet, la veille d'ailleurs de notre prochaine émission, vendredi 1er juillet. Francis Cabrel qui viendra pour présenter son Troubadour Tour. Et puis, bah, tant qu'on y est, allez, on passe au 3 juillet, mais ça, on en reparlera la prochaine fois, mais il sera peut-être trop tard, puisqu'il y a Sean Paul qui vient le 3 juillet et le même jour, il y aura le Blues Jazz de Marcus King. Voilà, programme complet. Pour plus d'infos, je vous invite à vous rendre directement sur le site de La Rocale pour vous acheter aussi vos billets www.rocale.com. En ce qui nous concerne, on poursuit en musique avec Those Barrel Leaves, Feel, et puis après ce sera Thrift Bakery, Why Bother Travel? Hi, my name is Dan Reardon, and you are listening to Planete Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. And we're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. Date the girl from Tasmania, her embassy called her home. Can't meet in a neutral country, don't venture alone. Why bother to travel? Don't go anywhere. Let's close all the airports, and the ships should all have sails. Don't forget about travel. Don't bother to look around. I recommend you take the maid from two towns down. Lose the urge to discover. All your friends stay at home. Pen pals, they use ink and quills, carrier pigeons and semaphore. There are impeccable manners found among African men, and their sons take the railway more than once. Been married twice. You can cycle and you can row. It will only unravel her life. Why bother to travel? Don't go anywhere. Let's close all the airports. Scrub computers with magnets. We can do without school. Return to the 12th century and burn our books for cooking fuel. Why Bother to Travel, c'était Thrift Bakery, un de leurs nouveaux morceaux. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment du meilleur goût de placer ce morceau ou de jouer ce morceau juste avant l'été, puisque bah, lui, il ne les incite pas à partir en vacances ou à voyager. En tout cas, il nous incite. Il se demande quel est l'intérêt de voyager. D'ailleurs, en parlant de voyage, et si vous n'allez pas loin, si vous passez par l'Alsace et par Molsheim, je vous rappelle ces deux expositions. On en a déjà parlé, mais bon, comme elles sont toujours d'actualité, bah, autant toujours en parler. Ces deux expositions qui exploreront l'œuvre de Jacques Martin et l'univers de Lefranc. La première, eh bien, elle s'est ouverte le 18 mai. Elle sera présente jusqu'au 18 septembre. Ce sera au musée de la Chartreuse à Molsheim, oui c'est ça, elle accueillera l'exposition Jacques Martin, 70 ans de passion automobile avec Lefranc. Et puis l'autre n'est pas encore commencera donc, elle s'ouvrira le 5 juillet, elle sera aussi jusqu'au 18 septembre, ce sera à l'hôtel de la Monnaie de Molsheim et elle présentera pour sa part l'exposition Les Passions de Jacques Martin. Voilà, c'est organisé dans le cadre des 70 ans de Lefranc. C'est une BD qui était sortie il y a donc ces 70 ans. C'était l'histoire d'un reporter qui a été imaginé par Jacques Martin. Que vous dire de plus? D'ici quelques minutes, nous allons retourner sur notre album Powerplay. Il est temps puisqu'il est pratiquement... Il est 17h42 minutes et avant cela, on va écouter un autre morceau. Et puis, je vais vous faire... on va le faire tout de suite. On va faire le programme de la Culture Fabrique pour ce mois de juin 2022. Aujourd'hui, samedi 4 et demain, c'est le festival punk rock Mad Ones Fest. Mercredi à 18h30, c'est les Francofolies à Culture Fabrique. Et vous aurez donc l'occasion notamment de voir Alceste, Regarde les Hommes Tombés, Brutus et Scared. Ouais, bah pour des noms francophones, Scared, c'est pas super. Vendredi 10 juin, punk rock, skate rock avec Lagwagon, avec en première partie le groupe luxembourgeois Versus You. Samedi 11 juin, ce sera High on Fire. Et puis, il y a une petite accalmie jusqu'au 24 juin avec à 20h le rock psychédélique de 1000 Mods. Et aussi, une première partie, ce sera The Well. Voilà, d'ici... plus tard, on ira voir aussi ce qui se passe à Neumünster si on s'en sort avec leur nouveau site internet, parce que comme ils ont changé un peu la présentation, c'est un peu... différent et c'est un peu difficile de s'y retrouver personnellement, je trouve. Donc d'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay comme annoncé. Avant cela, on va écouter une autre nouveauté, Dope St. Jude, I Don't Know You Like That, et c'est assez différent de ce qu'on a écouté jusqu'à présent dans cette émission. Multidimensional, incomprehensible, don't need no pedestal. We know we plentiful, we keep it spiritual, do it intentional, the thirst unquenchable, the true original. Last week I heard you talk some trash, now you need some cash, bitch please, I don't know you like that, make jokes you wanna do. To be honest, I can't stand another day of you. I wasted too much of my time on what to say to you. So not today, because I gave my yesterday to you. I pray for you. I'm fierce and I do my shit, I just don't apologize. But then you and your petty ways try to put me in the eyes. Tell me what's up with the cock talk, what's up with the lies. You don't even believe yourself, I can see it in your eyes. I'm concentrating, I'm meditating. I'm trying to be the bigger man because I hate the hating. I'm elevating, I'm liberating, I'm levitating. But you had to bring me down with all your captivating. Last week I heard you talk some trash, now you need some cash, bitch please, I don't know you like that, make jokes you wanna chip and chat, what's the deal with that, bitch please, I don't know you like that, last week I heard you talk some I wish that everything I did could stop with making you stress. I wish you the best, I wish you the world, I wish you'd be free, as long as you can keep it fucking far from me. Someday I hope to hear you're doing better. If you're mad, probably put it in a letter. Me, myself, and I, I'm a different kind of setter. I would write a song to drag you, but my mother told me better. Multi-dimensional, incomprehensible. Don't need no pedestal. We know we plentiful. We keep it spiritual. Assez différent, hein. Comme je vous disais, Dope St. Jude, I Don't Know You Like That, on pourrait très bien la retrouver prochainement avec ce morceau ou avec un autre d'ailleurs. Allez, je vous propose de retourner sur notre album Powerplay, l'album Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Song du groupe Surrender Hill. Je vous ai dit tout à l'heure, très brièvement, que Surrender Hill était un duo composé de Robin et Afton Salmon. Je vous propose donc de faire d'abord connaissance avec Robin et on se penchera sur le cas d'Afton dans le troisième chapitre. Robin a passé la première moitié de son adolescence là où il est né, dans un pays gangrené par la violence et les troubles politiques. Je veux parler de l'Afrique du Sud. Vous faites dès lors maintenant la connexion avec ce que je vous ai raconté précédemment concernant le nom du groupe, je l'espère. Sa famille a finalement fui le pays en 1977. Est venu s'établir aux États-Unis dans un ranch non loin de San Antonio. Ranch, San Antonio, on voit comment tout doucement les briques s'assemblent. On comprend aussi d'où viennent donc les influences country sur le jeune Robin quand il côtoyait quotidiennement les cowboys, écoutait leurs histoires, leurs chansons et leurs chanteurs comme Billy Willis, Johnny Cash ou Marty Robbins. Vers l'âge de 15 ans, cependant, il a reçu sa première guitare est fort de l'autre influence sur sa nature, c'est-à-dire le monde punk avec notamment les Sex Pistols, les Clash ou les Ramones. Il s'oriente plutôt dans cette direction. Il met sur pied un groupe qui s'appelle See No Evil, qu'il compose avec des amis d'école. La chance tourne pour ce groupe lorsqu'ils sont sélectionnés pour se produire lors d'un festival jeunesse organisé par les Nations Unies à New York. Ils se font repérer par un producteur qui les fait signer un contrat avec Sony Music. Bah, rien de moins pour un premier groupe. Le démarrage, c'est pas très mal, hein. Le groupe survit donc jusqu'au jour où Robin est victime d'un grave accident de moto. Il décide alors de quitter New York et va s'installer à Atlanta. Au cours de ces longs mois de réhabilitation et rééducation, la petite graine country là, qui était enfouie au fond de lui quand il était très jeune, elle va commencer à germer et il décide de relancer sa carrière musicale comme auteur-compositeur, donc plutôt dans un style country. À côté de cela, bah, il avait son activité professionnelle de producteur qu'il a vu enregistrer à peu près tout ce qu'il est possible de trouver dans le spectre musical allant du gospel au heavy metal. Il a ainsi sorti plusieurs albums solo depuis les années 90 avant de finalement rencontrer Afton en Arizona avec qui il va lancer l'aventure Surrender Hill et qui deviendra aussi par ailleurs son épouse. Nous sommes donc prêts pour découvrir un second extrait. Comme je vous le disais tout à l'heure, les deux prochains seront tirés du deuxième disque, donc ambiance plus Americana que country. Il s'agit du morceau intitulé Sunshine and Silver Lining, Je vous rappelle son nom, Surrender Hill, et puis je vais vous mettre, oui, parce que j'ai oublié de le faire après le premier morceau, je vais vous mettre une vidéo du groupe sur la page Facebook de Planet Indie et aussi sur notre compte Twitter, puisque nous avons désormais un compte Twitter. Voilà. Eh bien, allons-y pour ce morceau de Surrender Hill comme powerplay aujourd'hui dans cet épisode numéro 443 de Planète Indie. Powerplay. Assassinate the never-ending answer. It's so hard. Bon, alors ça, je vous garantis, c'est une nouveauté. On ne les a encore jamais écoutés puisqu'ils m'ont contacté il n'y a pas très longtemps. C'est le groupe californien The Entrails. On les écoutait avec Origins of the Rot. D'ici quelques minutes, nous allons partir dans le monde merveilleux, imaginaire et fantastique de la bande dessinée. Avant cela, eh bien, une autre nouveauté, c'est extrait du tout nouvel album de Brian Tewell Hughes, à savoir Aetopus. L'album s'intitule Urbus et je pense que c'est, si pas le meilleur, en tout cas c'est un de ses meilleurs albums depuis que je le connais, et ça fait déjà quelques années qu'on l'entend dans cette émission. Donc c'est vous dire que je vous conseille fortement cet album si vous aimez bien ce genre de musique, hein, la musique électronique, instrumentale. N'hésitez pas, je vous rappelle son nom, Brian Tewell Hughes, à savoir Aetopus, et l'album s'intitule Urbus. Greetings, this is Brian Tewell Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. Thank you. vous rappelle son nom, Aetopus. Son site internet, www.aetopus.com, A-E-T-O-P-U-S.com, pour ce qui est, à mon sens, l'un de ses tout meilleurs albums des dernières années. L'album s'intitule Urbus. On part maintenant sur la découverte bande dessinée de ce mois-ci. Il s'agit d'une bande dessinée qui s'intitule « Des villes et des femmes, c'est l'intégrale ». Elles sont six, ça s'appelle Gerda, Agnès ou Lise, et vivent à Amsterdam, Bruxelles ou New York. À la mort des parents d'Annie, Lise a pris son neveu en charge. À son grand désespoir, la seule ambition de celui-ci semble être de dilapider la fortune de sa tante et de continuer sa pitoyable activité d'animateur radio. Lise le somme de prendre son destin sérieusement en main, sinon elle lui coupera les vivres. Le jeune homme ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Agnès, la bruxelloise, est mariée avec Eric, militaire, spécialiste en déminage. Chaque fois qu'il est envoyé en mission, elle transite peur et se demande s'il va en revenir en un seul morceau. C'en devient tellement insupportable qu'elle lui demande de renoncer par amour à ce boulot qu'il aime. Gerda, quant à elle, est tellement reconnaissante à Peter de lui avoir sauvé la vie qu'elle ne le quitte plus et le couvre comme son trésor le plus précieux. Mais quand on est un jeune cadre et qu'on parvient enfin à séduire la délicieuse créature que l'on convoite depuis si longtemps, même animée des meilleures intentions, cette gentillesse devient encombrante. Des villes et de femmes, c'est donc un recueil de nouvelles au format bande dessinée. Les six courtes narrations n'ont pas de lien entre elles, si ce n'est qu'elles présentent une figure centrale féminine et un environnement urbain. Cependant, l'exploitation scénaristique de cet élément aurait pu être approfondie. En effet, les métropoles ne semblent présentes que comme prétexte, voire même uniquement comme contexte, sans jouer de rôle précis. Il eût été intéressant de les mettre plus en avant, ne fût-ce que superficiellement, en accentuant leurs caractéristiques architecturales, culturelles, touristiques ou autres. On ne ressent pas spécialement les atmosphères propres à l'une ou l'autre cité et les différentes aventures sont interchangeables avec la géographie qui leur a été assignée. L'histoire bruxelloise d'Agnès aurait pu se passer sans retouche à Key West ou à Marseille. Pour aller un peu plus loin, les scénarios auraient gagné en profondeur si l'incidence de chaque lieu sur le cours des événements avait été plus marquée en intégrant des spécificités typiquement locales qui auraient fait qu'une même circonstance ici n'aurait pas entraîné les mêmes péripéties. On sent par moments le dénouement arriver, sans surprise, toujours tragique, et les intrigues, même si elles sont diversifiées dans leur ressort, tournent pour l'essentiel autour du registre policier. À l'exception, évidemment, du côté plus surnaturel des péripéties d'Hélène dans les Keys et du drame qui se joue à Bruxelles. Le format court a l'avantage d'imposer un certain rythme qui ne permet ni digression ni lenteur. Les couleurs et le style graphique installent une ambiance quelque peu vintage. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition donc de deux volumes publiés initialement en 87 et 88. Ambiance quelque peu vintage donc qui n'est pas désagréable. Par contre, les visages des protagonistes sont moins maîtrisés, ce qui leur donne parfois des profils étranges, presque défigurés. C'est notamment le cas pour Gerda. Je trouve que par moments, c'est un peu bizarre. Censées être au premier plan, les femmes sont au cœur de la trame, mais passivement, jamais en position avantageuse et toujours victimes. En conclusion, eh bien, on pourrait conclure que ce livre porte mal son nom, puisque tant les villes que les femmes ne constituent que des éléments de décor, au mieux des alibis pour une porte d'entrée vers le cœur du récit. Parfois, on ne les voit même pas. Key West, on n'en a rien vu, et Mireille de Marseille, on ne la voit pas. Pas, si ce n'est dans la dernière case, et encore pas directement, puisque c'était sur une photo. Pour être exhaustif, ce livre aurait dû s'appeler « Des villes, des femmes, des morts » ou « des mortes », c'est selon... Mais c'eût été commercialement moins porteur. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage soigné et léger, évitant les lourdeurs, n'en reste pas moins plaisant, accentué par un petit côté rétro qui plaira aux amateurs du genre. Voilà, c'est l'intégrale « Des villes et des femmes ». Enfin, intégrale, il regroupe deux albums précédents. Hein. C'est sorti chez Dargo, il y a une centaine de pages. C'est de Bob de Groot et Philippe Franck. Philippe Franck, bah oui, c'est un peu un ouvrage de jeunesse pour lui, puisque avant qu'il ne se lance dans l'aventure Largo Winch. D'ailleurs, à propos de Largo Winch, je ne sais pas si vous vous souvenez de la BD que je vous avais présentée il y a quelques mois de cela, l'année dernière, je pense, La fortune des Wingslaves, c'est-à-dire cette saga qui retrace un peu la vie de Largo Winch, avant Largo Winch. En tout cas, c'est cette saga qui retrace, qui explique comment Largo Winch est devenu ce qu'il est. Voilà. Eh bien, le tome 2 vient de sortir. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire une chronique sur le tome 2, puisque on a déjà chroniqué le tome 1, mais je vous signale donc que ce tome 2 est paru. Et on a quand même pas mal de nouveautés et d'albums à vous présenter. On verra bien si on aura l'occasion de les placer. Voilà, je vous mets la couverture et la conclusion de cette chronique BD sur notre page Facebook, et puis la fiche de lecture sera, comme chaque mois vous le savez, disponible sur notre site internet www.ilovemusic.gq. pour l'heure, nous on poursuit en musique avec Victoria Vox, une autre nouveauté, cet extrait de son nouvel album Nirvana in Rem. Et on écoute le morceau Eye of the Animal. Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station. Oh, c'est un très bel album que celui de Victoria Vox, Nirvana in Rem, avec une très belle pochette et des photographies d'œuvres de Fred Stonehouse. N'hésitez pas si vous aimez. Et la musique, quant à elle, n'est pas mal non plus. Pour l'heure, nous retournons sur la saga de Surrender Hill, troisième et dernier épisode. Et nous allons nous attacher à présent à l'autre moitié du duo, à savoir Afton Seekings. Tout comme Robin, elle a aussi eu un parcours jalonné d'étapes et d'expériences qui l'ont fascinée. Elle a passé sa jeunesse entre l'Alaska où elle est née et l'Arizona. Ses parents étaient des travailleurs acharnés. Ils ont créé une entreprise de transport aquatique en Alaska et quelques temps plus tard, une entreprise de construction en Arizona. Du coup, la jeune Afton passait les mois scolaires dans cet état, donc en Arizona, et les vacances d'été en Alaska. Pour la petite histoire, l'un de ses grands-pères était pasteur et l'autre pêcheur. Des deux côtés, on savait ce que travailler voulait dire, ainsi qu'avoir des valeurs, deux éléments qui ont été enseignés à Afton dès son plus jeune âge. Elle s'est passionnée pour la musique et la danse après avoir obtenu son diplôme avec un an d'avance. Elle n'a cependant pas poursuivi ses études jusqu'à leur terme car elle sentait au fond d'elle-même qu'elle ne suivait pas ce que son cœur lui dictait. Elle est donc d'abord repartie vivre dans les grands espaces de l'Alaska et puis ensuite elle s'est installée à New York afin de suivre une formation de danseuse à la Blade Dance Academy. À force de travail, elle a été promue au rang de directeur artistique du conservatoire de danse hip-hop et elle a aussi commencé à travailler comme chorégraphe et directrice des répétitions pour Spot Live Live qui est basé à Times Square. Ça a duré 8 ans et après avoir passé donc ces 8 ans à New York, elle décide de se remettre en question et elle est retournée s'établir en Arizona. Nous sommes en 2010. Elle avait le désir de développer son autre côté artistique, celui de chanteuse et compositrice. Elle a un jour remis la main sur son journal personnel qui l'avait accompagnée pendant toutes ces années. Et c'est à partir de celui-ci qu'elle a écrit ses premiers textes. Elle a appris elle-même à jouer de la guitare et au bout de quelques mois déjà, elle se produisait dans les clubs du coin. Lorsqu'elle a rencontré Robin, eh bien, ils ont créé Surrender Hill. Et depuis lors, ils ont déjà sorti plusieurs albums. Ces albums précédents traitaient souvent était composé la plupart du temps de chansons d'amour écrites, ça transpirait de ces chansons, de deux personnes qui étaient tombées amoureuses et qui voulaient écrire ensemble. Ce dernier album, celui qui vient de sortir, celui dont on parle aujourd'hui, Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, qu'ils l'ont composé au moment où la pandémie les avait bloqués dans leur tournée, eh bien, ils traitent de thèmes plus orientés vers la vie moderne et beaucoup sur la solitude et les problèmes plutôt de la vie moderne. Donc, les textes sont un peu moins gais que les albums précédents. Je vous propose d'écouter un autre extrait du CD2, donc ambiance Americana plutôt que Honky Tonk. L'extrait qu'on va écouter s'intitule donc Forever Mine. Je vous ai mis, comme promis, une vidéo sur notre page Facebook. Forever Mine, Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Song. C'était notre powerplay pour cet épisode numéro 443 de Planète Indie. Powerplay. Could we still float up to heaven? when it's time. Well, I don't wanna know what the end feels like. I don't wanna give in to the battle tonight. I don't wanna let this love I'm living die. I just want. To break, and what happens when a heart can't feel itself beating? Could the strength of forgiveness bring it back? I don't wanna know what the Surrender Hill, 3xW, surrenderhill.com. C'est un autre powerplay pour cet épisode numéro 443 de Planète Indie. Je vous avais promis le programme de Neumünster. Alors, 12 juin à 11h, concert apéro jazz de Naomi Beryl. Ensuite, il y a le concert festival Siren's Call, le 25 juin à partir de 15h. Ensuite, il y a le concert de The Smile le 27 juin à 19h. Et puis, on annonce aussi, mais il y a le Big Bang Festival, c'est plutôt pour les jeunes, mais ça se passera le premier week-end de juillet. Je vous annonce donc dès lors que notre prochaine émission se tiendra bien le samedi 2 juillet. À partir de 17h, bien entendu. Pour l'heure, il nous reste encore un peu de musique à écouter avant de se quitter. On a encore un tout petit peu de temps. On va écouter Michael Jonathan. Si vous vous en souvenez, c'est le gars qui chantait les blagues sur le monde du banjo. Bah, je vous avais annoncé que son nouvel album venait de sortir. Bah, voilà, c'est un extrait de son nouvel album, La plage d'ouverture. Ça s'appelle Techno Folk. In 1964, my brother died in that crazy war, killed by a man he never saw. 1965, my music was the next to die when Dylan sang electrified in a crazy world around me. In 1971, Nixon held the election, won a better life for everyone. In 1972, Watergate sickened me and you, and the Arabs raised the price of crude in a crazy world around me. Urban cowboy reigned with grace as disco finally was replaced. In 1979, Carter faced election time and the Ayatollah's firing line in a crazy world around me. Geraldine Ferraro tried to score, Reagan and Bush won four more. And it's techno this, techno that, computers are running it longer than Jane Fonda loves you fat in a crazy world around me. Star Wars dreams have come alive. Children sleep hungry every night in a crazy world around me. Ah, on est loin de l'univers de banjo, que ça ait du banjo. C'est le techno-folk de Michael Jonathan, extrait de son tout nouvel album qui vient de sortir, Afterburn. Et bien voilà, cet épisode numéro 443 de Planet Indie touche tout doucement à sa fin. On va encore écouter Dan Highlander, un Suédois, avec Ville Barasagadig. J'espère que vous avez apprécié le programme musical. Retrouvez-nous sur Facebook, sur notre site internet, sur Twitter, www.ilovemusic.gq. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30. Et puis la prochaine émission Planet Indie, ce sera le 2 juillet. Prochaine émission en français sur RGL après celle-ci, eh bien, ce sera samedi prochain aux mêmes heures. Voilà, passez un bon week-end, un bon mois de juin, portez-vous bien. Et donc à dans un mois pour le 2 juillet pour le 444e épisode de Planet Indie. Men se god morgon, jo, det er en mærkelig tid. Alle blunder og skriker fra sin egen kamp. Og det er tydeligt nu at ondskan er som energi. Den bare byter skepnad men forblir konstant. Og ändå blir det vår igen. Den kommer som den brukar, liten gammal vän. Og nu når ljuset tørt så mørket står vi alltid der med vår. Känt förut. De har satt handklovar på blommorna och skönheten. De har gjort lögnen till en konst och sitt attribut. Jag får panik av dystopin de kallar framtiden. Men ändå blir det vår idag. Och i värmen vill vi bara känna välbehag. Så när ljuset följs i mörket står vi alltid där med vår.